Quand du verre dans les yeux. Quand du verre dans les yeux. J'ai vu des gosses devenir durs avant d'apprendre à rentrer chez eux. Cartable vide, cœur en guerre, poing serré dans les couloirs creux. Une lame lui dans la poche pour faire croire qu'on tient le coup. Mais la nuit colle au basket, le mal dort jamais chez nous. Le grand frère parle plus, il regarde le sol, il a tout pris. Maman compte les jours cassés dans la cuisine près des boîtes de riz. On a grandi trop vite ici, entre les cris, les portes, les murs. Les plus petits font les grands quand la peur leur monte dans les genoux. Dis-moi qui répare ça quand le béton nous laisse froid. Dis-moi qui ramène l'âge quand l'enfance tombe du toit. 15 hivers déjà froids. 15 hivers déjà froids. On rimait deux dans ces noirs. 15 hivers déjà froids. 15 hivers déjà froids. 15 hivers déjà froids. Des mômes armés pour survivre. 15 hivers déjà froids. Dans le hall, ça sent l'orage et les mensonges dans les regards. Un pote s'est fait le silence depuis la rumeur du soir. Sa mère a plié dans l'ombre comme un drapeau sous la pluie. Nous on parle fort pour tenir, mais nos mains tremblent quand tout fuit. J'ai des noms gravés sous la peau, des dates mortes dans la mémoire. Des frères perdus dans la cage, des je t'aime rangés trop tard. Alors j'écris pour les vivants, pour les gosses au bord du vide, pour les cœurs faits de gravats qui sourit encore dans les rides. Dis-moi qui répare ça quand le béton nous laisse froid. Dis-moi qui ramène l'âge quand l'enfance tombe du toit. 15 hivers déjà froids. 15 hivers déjà froids. On rimait deux dans ces noirs. 15 hivers déjà froids. 15 hivers. Si tu vois leurs mains, c'est qu'ils ont serré trop fort le flou. On voulait juste de jouer dehors, revenir avant le repas. Mais le monde a mis des chaînes autour de nos jeunes pas. 15 hivers déjà froids. 15 hivers déjà froids. On rimait deux dans ces noirs. 15 hivers déjà froids. Déjà froid.